Star ou Psy de Cassiopée, livre 2. Histoire ancienne. Temps héroïque. Nous en avons dit assez pour dessiner en bloc la physionomie du monde nouveau que nous avons découvert et pour déterminer l'entourage et les conditions d'existence de l'homme sous ces cieux et sur cette terre. Si quelques teintes d'incomplet et de vague empêchent encore l'imagination d'apercevoir nettement les linéaments de ce tout merveilleux, l'histoire de l'homme, l'histoire de la société starienne que nous allons raconter, va définitivement nous mettre en possession de ce globe et le tirer des limbes où l'esprit jusqu'alors n'a pu que l'entrevoir. Comme il arrive toujours quand les hommes se cherchent et s'agglomèrent pour vivre sous une loi commune, pour se constituer en société, la légende héroïque et la tradition restent le plus souvent les seuls documents de l'historien qui veut étudier ces temps qu'on a appelés mythologiques. Au premier siècle des sociétés dans le monde de Star, trois peuples générateurs, situés aux angles de la Terre, se présentent à nous. Chacun de leur côté avec des rudiments de civilisation appuyés sur des traditions mythologiques. D'où venaient ces hommes? Ou plutôt, d'où venait l'homme? Toutes les races du monde habité avaient-elles eu une commune origine? Chacun de ces trois peuples vantait son antiquité. Tous trois disaient avoir été le berceau du genre humain. Nul que leurs dieux respectifs n'avait créé les premiers hommes. Et cependant, ils étaient aux limites extrêmes de leur monde. D'où l'on peut conclure en toute logique que les premiers humains naquirent on ne sait où, furent créés par un dieu qui n'était point de leur dieu, et qu'aucun monument ni aucune tradition n'ont gardé le souvenir de cet effort sublime de la nature créatrice. Combien de soucis et de doutes eussent été épargnés à l'homme si ce Dieu, après son œuvre faite, avait daigné parler à sa créature? Mais non, les premiers hommes créés n'eurent pas même la conscience de l'acte dont ils étaient l'objet. Ils ne sentirent pas même l'attouchement de la main mystérieuse qui présidait à l'arrangement de leur être. Les trois nations primitives étaient les Savels, les Treliors et les Ponarbates. Et leurs villes se nommaient Savel, Trélé et Ponarbas. L'histoire de l'ancien monde starien se résume à peu près dans l'histoire de ces trois peuples. Nous allons donc essayer d'en esquisser tour à tour les principaux traits. Les Savels. La domination des Savels, qui, plus tard, finit par embrasser toute la partie moyenne et méridionale du continent oriental, était primitivement bornée au territoire de Savel, ville située sur les bords de la mer Irisée, au sud de ce continent. La théocratie fut la forme première du gouvernement des Savels, de sorte que leur histoire est intimement liée à celle des fables au moyen desquelles leurs prêtres avaient conquis la foi et la vénération du peuple dans sa primitive ignorance. Les croyances religieuses des Savels étaient remarquables à plus d'un titre. Leur mythologie tout entière reposait sur la fable suivante. Au commencement, sur la terre et aux cieux, était Panéther, qui fut plus tard le prince des dieux. Mais à côté de lui existait aussi éternellement un Oxure, sorte de petit ver. Panéther, n'ayant pour compagnon et pour contemporain qu'un Oxure, s'accoupla avec lui et il en acquit une larve de hanneton. Panéther, voyant cet animal plus parfait, s'unit au hanneton et le résultat de cette union fut une chauve-souris. Ici, Panéther commença déjà à contempler orgueilleusement son œuvre, et ce fut de ses amours avec la chauve-souris que naquirent le premier homme nommé Poub et la première femme appelée Minélis. Quand Panéter vit cette merveilleuse créature qu'on appelle la femme, il voulut la disputer à l'homme. Mais celui-ci en avait déjà fait sa compagne, et les deux premiers humains eurent ensemble plusieurs enfants. Cependant, on raconte que Panéter, tourmenté d'amour et de désir, fit manquer Minélis à ses devoirs, et que le fruit des infidélités de celle-ci fut la naissance de plusieurs dieux qui présidèrent aux choses de la nature, sous la surveillance et la domination du grand Panéter. Les dieux, fils de Panéter, furent stériles, mais les hommes multiplièrent à l'infini. Un culte et des cérémonies furent institués à Savelle et ailleurs en l'honneur de ces dieux. La chauve-souris, le hanneton et l'oxure même eurent des temples fameux, et surtout des prêtres nombreux et disputeurs. Longtemps, les Savelles se vécurent dans la barbarie et l'ignorance sous l'autorité de ces prêtres. Ceux-ci, abusant de la crédulité du peuple, se disputaient la prééminence et le pouvoir. Les factions, conduites par les prêtres du Hanneton et de Rériton, dieu du feu et fils de Panéter et de Minélis, ennemis par le dogme, ensanglantèrent l'État presque l'espace d'un siècle. Cependant, les voyages et la navigation, devenus plus faciles par l'éducation des Talersis, que les Savelles se surent les premiers réduire en domesticité, donnèrent un peu de repos à ce pauvre petit état, jusqu'alors si tourmenté. Ce furent des navigateurs partis de Savelles qui abordèrent les premiers dans l'île de l'Océan que surmonte le pic qui, depuis, fut consacré à Rériton. Cette île n'est qu'une montagne énorme et volcanique dont la base plonge dans la mer et dont le sommet fumant a 6 fois la hauteur des plus hautes montagnes de Star. Elle se dresse sur l'océan comme un phare terrible que l'on peut apercevoir même de Savelle. Dans l'Antiquité starienne, les Savelles se furent certainement de tous les peuples le plus ignorant, le moins sage et celui dont l'humanité et l'histoire eurent le plus à rougir, car ce fut un peuple guerrier et fanatique, car ce fut un peuple conquérant. Les prêtres de Rériton, étant devenus les plus forts, brisèrent les autels des autres dieux, sans en excepter ceux de Panéter, et imposèrent exclusivement au peuple le culte de leurs dieux. Les dévots et les hypocrites, parmi les Savelles, avaient pour habitude de faire un pèlerinage au pic de Rériton. Et ceux qui s'élevaient à une plus grande hauteur sur le flanc de l'immense montagne étaient vénérés comme saints et réputés prophètes du Dieu qui avait mis en eux, disait-on, une étincelle du feu le plus pur. Quelques-uns de ces fanatiques périssaient dans leur ascension. D'autres, parvenus à des hauteurs prodigieuses, se trouvaient assaillis par d'affreux vertiges et, demi-asphyxiés par la raréfaction atmosphérique, redescendaient frappés d'aliénation mentale. Rentrés dans leur patrie, leur folie ne manquait pas d'être attribuée par leurs concitoyens à une inspiration divine. On les traînait alors de bourgade en bourgade pour instruire et fanatiser le peuple qui écoutait ce délire sacré. Ce fut à l'occasion des prédications d'un de ces fous religieux que la guerre internationale prit naissance sur la terre et que la puissance des Savelles s'étendut sur leurs pacifiques voisins. Cet homme, nommé Stratiote, fut frappé d'aliénation sur la montagne au moment d'une secousse éruptive et revint furieux à Savelles prêchant guerre et conquête. Les prêtres et la masse de la nation délibérèrent d'abord, mais Stratiote, ayant rassemblé le peuple sur le rivage, les menaça de la fureur de leur dieu, dont les Savelles croyaient voir la bouche enflammée et entendre les sourds grondements. Il n'en fallut pas davantage. On s'arme, on s'équipe, et, sous la conduite du fou inspiré, les Savels se précipitent sur les peuples voisins qui, sans rien comprendre à une semblable folie et à une cruauté jusqu'alors inconnue, se défendirent à peine, pensant bien retrouver leur libre indépendance quand la raison reviendrait aux conquérants. La guerre et l'invasion durèrent près de 6 ans, c'est-à-dire autant que l'éruption du volcan. Et au bout de ce temps, les Savels se trouvèrent les maîtres d'un empire de plusieurs 1000 lieues d'étendue. Par bonheur, les nations englobées dans cet empire, après s'être concertées entre elles, n'eurent pas de peine à secouer le joug de cette poignée de fous furieux. Mais, pour qu'à l'avenir pareil fléau ne pût s'abattre sur elles, elles envoyèrent toutes à Savels des délégués qui, réunis en assemblée, fondèrent entre leurs peuples une confédération qui garda le nom d'Empire Savels. Telle fut l'influence que la petite peuplade des Savels eut sur la civilisation de cette partie de la terre située à l'est et au midi du continent oriental. Le reste de l'histoire de cette société, constituée par le besoin d'éloigner de la guerre et l'invasion, n'offre rien digne d'être rapporté dans le sommaire de cette revue historique. La suite de la vie sociale de ces peuples fut aussi paisible que le commencement en avait été tourmenté. Les Ponarbates. À peu près au moment où ces révolutions fondaient l'Empire Savels, la ville de Ponarbas, située à l'ouest du continent occidental, commençait à sortir de son obscurité. À l'origine, les Ponarbates n'étaient qu'une des peuplades pauvres et ignorantes de ces contrées qui, sans dogme religieux ou social, organisaient à tâtons leur société demi-sauvage. Le pays occupé par la tribu des Ponarbates s'étendait sous un climat magnifique, où le sol produisait sans culture toutes les choses nécessaires à la vie. Les besoins matériels, toujours facilement assouvis, s'accrurent dès lors en raison du bien-être déjà réalisé. Insensiblement, cette avidité pour les jouissances physiques fit naître parmi quelques familles le désir de se concerter et de vivre ensemble pour le travail et l'industrie. Une centaine de familles se réunirent d'abord et la ville de Ponarbas fut fondée dans une vallée superbe de végétation et de richesses. Dans le pacte de réunion de ces quelques centaines d'individus, il fut convenu que les enfants, les vieillards et les infirmes, sans pour cela être distraits de leur famille, seraient à la charge de la société, qu'on ne posséderait à aucun titre plus de terres qu'on n'en pourrait cultiver. En un mot, qu'on ne saurait avoir entre les mains une valeur devenue impossible à gérer ou à faire fructifier par soi-même. On était tenu sur l'honneur et de par la loi de dépenser tout le fruit de son travail et de son industrie. On ne saurait décrire ce que cette société ainsi établie, dévorée d'activité et insatiable de besoins, engendra de luxe et de richesse. Ce fut un spectacle tellement inattendu et un exemple si encourageant pour les voisins des Ponarbates que les autres tribus chasseresses ou pastorales d'alentour, tous les peuples sages et doux, s'agglomérèrent de proche en proche sur le modèle de la société Ponarbate à laquelle ils vinrent demander des lois et des ouvriers instructeurs. La multiplication de ces ruches laborieuses et puissamment consommatrices, alliées pour le travail et pour le commerce, porta l'Empire Ponarbate au plus haut degré de richesse sociale et de luxe. Occupés de choses matérielles, accoutumés à compter sur eux-mêmes, et d'ailleurs confiants dans leur esprit et leurs propres forces, les Ponarbates n'imaginèrent point de Dieu. leur philosophe ou premier moraliste attribue la création ou génération primitive de l'homme à des transformations séculaires des espèces animales, dont quelques individus procréaient accidentellement des genres supérieurs qui formaient souches. Ainsi, l'homme, selon eux, était dérivé du repleu, qui lui-même était dérivé, des milliers de siècles auparavant, du genre animal immédiatement inférieur, et ainsi de suite. Bien que sans foi religieuse, ce peuple, trouvant dans la splendeur de ses cieux une source d'admiration infinie, institua pour chacun des principaux astres un culte pompeux. Mais ce culte fut simplement le témoignage sincère et naïf de leur admiration, car les Ponarbates ne songèrent jamais à les adorer comme Dieu. Au point de vue religieux, prier, adorer, craindre furent toujours des pensées absentes de leur esprit. Tous dans cette société n'étaient-ils pas d'ailleurs la providence de chacun? Aussi jamais ils ne surent d'autre culte que celui qui consistait à admirer et à louer leur splendide nature et leur ciel éblouissant. Les Ponarbates avaient coutume de placer dans leur temple les produits les plus merveilleux de leur industrie. C'étaient de véritables musées industriels et artistiques, au fronton desquels était gravée cette formule des vertus sociales de ce peuple « travail » et prodigalité. Ce furent les Ponarbates qui surent les premiers conquérir et apprivoiser l'aimable oiseau bleu aux ailes d'or, le Cytos, qui, gardien fidèle des demeures de l'homme, s'unit instinctivement et sympathiquement à son maître et qui a toujours des chants suaves pour endormir ses douleurs ou exalter ses jouissances. Telle est l'origine de l'attachement familier que les Stariens portèrent depuis à cet oiseau aux formes élégantes et gracieuses et aux coloris tendres et charmants. Si tous les peuples du continent occidental n'adoptèrent point les mœurs et les formes sociales des Ponarbates, tous vinrent souvent chez eux observer les prodiges des arts industriels. Les montagnards même des régions pittoresques arrosées par l'Inrer accouraient toujours à Ponarbas comme à un pèlerinage obligé. Et, tribu par tribu, quittaient successivement le sol tourmenté de leur patrie pour y venir contempler un beau climat, une activité commerciale prodigieuse et, après le travail, une jouissance emportée de tous les biens matériels. Les Tréliors. Parmi les petites cités qui, à l'origine appréciables des peuples, habitaient les rives du Saguir, on remarquait à peine la ville de Trélé. D'une faible puissance d'abord, elle dut l'ascendant qu'elle exerça sur les destinées des peuples septentrionaux de Star à l'idée mère, à l'idée civilisatrice qui groupa sous une même foi et sous un même culte, d'innombrables tribus, se traînant jusqu'alors dans l'abjecte barbarie d'une vie employée à satisfaire de grossiers appétits. Cependant, entre tous les peuples des mêmes régions, les Tréliors étaient déjà renommés par la vivacité de leur caractère, le délié de leur intelligence, et encore plus estimés pour le beau sang et la noblesse de leur race. Ces qualités remues ne devaient pas manquer de faire naître plus tard chez eux l'enthousiasme pour les grâces de l'esprit et du corps. Mais à l'époque dont nous parlons, avec ses dispositions physiques et intellectuelles, les Tréliors, comme les peuples dispersés autour d'eux, étaient encore d'une sauvagerie inculte. Au milieu de leur ville bâtie de huttes, ils célébraient ordinairement leurs fêtes nationales par des festins publics, sortes de hideuses saturnales qui réunissaient pêle-mêle tous les âges. Mais un jour, dans l'enceinte même du festin, parut subitement, comme pour prendre part au banquet, Une jeune fille ornée d'attraits divins, une femme d'une beauté inconnue à leurs yeux, et telle qu'ils n'eussent même osé jusqu'alors en concevoir d'aussi parfaite, d'aussi éblouissante. À cette apparition, les Treliors abandonnent les viandes fumantes et les amphores où ils puisaient l'ivresse et l'abrutissement. Ils se pressent respectueux autour de la jeune femme. C'est un envoyé du ciel descendu chez eux. Leur admiration se traduit en présent. Un palais lui est donné pour demeure. Puis, l'enthousiasme grandissant, l'imagination des jeunes gens s'échauffe, leur verve s'allume en faveur de la belle Staria et la poésie prend naissance. On ne pouvait s'en tenir là. Un culte est institué en faveur de la princesse de beauté, son palais devient un temple et ses serviteurs en sont les prêtres naturels. Enfin, depuis ce jour, la religion des Treliors est fondée et par elle s'accomplit dans les mœurs et les lois de ce peuple une heureuse et aimable transformation. Staria, disent les mythologues Treliors, ne fit que passer à Trélé, mais il resta d'elle le souvenir et la foi. Et ce souvenir fut vivant, et cette foi fut ardente, car les discours et les chants des poètes, ses apôtres, firent tressaillir la moitié du monde barbare aux descriptions de ses charmes pudibonds. Facta est lux, car ces peuples émerveillés, se débarrassant des langes de la barbarie, cessaient pour la première fois à vivre de la vie intellectuelle. À la suite de cet apostolat, qui passionna les nations en les régénérant, Trélé se trouva être la ville de la beauté, la ville des arts, la ville sainte et, comme telle, la capitale des peuples unis du même amour. Le gouvernement des Treliors fut en toute conformité avec leurs mœurs et leurs goûts. Tous les 5 ans, les délégués des peuples fédérés à l'Empire se réunissaient à Trélé. Puis, là, choisissait comme exécutrice des lois consenties par eux la plus belle des jeunes filles venues pour y disputer le pouvoir. Ces lois étaient acceptées et obéies chez les Treliors avec respect et avec bonheur, car elles semblaient être l'émanation et le désir de leur belle souveraine. Un art, tout à fait en harmonie avec les coutumes des Treliors, prit naissance dans les temples de Staria. Il avait pour but l'embellissement de l'homme et se composait des procédés qui pouvaient produire ou compléter la nature humaine. Cet art, en un mot, était une sorte de caliplastie. Les prêtres de Staria le cultivèrent très anciennement et furent les premiers caliplastes. Note, voyez essai de caliplastie par le docteur C.I.D., un vol grand IN 18, Paris, 1846. Fin de la note. Les Treliors cherchaient la beauté des formes physiques, comme d'autres peuples aimaient le luxe des vêtements. L'art d'embellir était devenu chez eux d'une pratique si générale et d'une simplicité si grande que presque tout le monde était gracieux et bien fait, et que les difformités du corps étaient devenues la chose la plus rare. Le monde starien doit encore aux Treliors d'avoir soumis et accoutumé au travail domestique l'espèce des repleux. Ceux-ci, restés sauvages au fond des bois ou dans des déserts incultes, avaient fui jusqu'alors la trace de l'homme. Ils vivaient par famille, se nourrissant de pêche, de chasse et de fruits. Lorsque l'homme les eut réduits en domesticité, il tenta leur éducation. Et, ayant observé que les individus d'une même famille avaient entre eux un certain langage, composé de quelques mots ou de quelques sons, il ne douta pas que cette faculté ne pût être étendue, et il leur communiqua la parole, et il leur enseigna son langage. L'homme vit alors cette espèce sauvage devenir de plus en plus perfectible et docile à ses leçons. En un mot, la race humaine, jusqu'alors seule instruite et intelligente, tira de l'état de nature, de l'état de bestialité, une autre race intelligente aussi, quoique inférieure, et qui vécut côte à côte avec elle, ayant, comme la race humaine, ses mœurs et ses goûts, ses relations sociales et ses aptitudes, mais qui garda pourtant avec elle la distance, je ne dirai pas de l'animal à l'homme, mais de l'esclave au maître. La domination des Trélior, plutôt morale que matérielle, s'étendit à l'est et à l'ouest, jusqu'aux limites des empires Savels et Ponarbat. Ces empires, plus anciennement fondés que celui des Trélior, comprenaient des peuples gardiens, fidèles de leurs coutumes et de leurs croyances, et sur lesquels l'aurore civilisatrice, partie de Trélé, ne pouvait plus avoir d'action. Nous arrivons à la période où commencèrent, entre ces trois empires, les relations internationales. Le commerce et la navigation prirent alors le plus grand développement. Ce fut à cette époque que des navires montés par des Trélior découvrirent l'île de Tasto, qui, bientôt explorée par d'autres navigateurs, fit reconnaître à l'homme un autre homme un peu différent de lui. C'était les Nemsed, ou Longévite. Nemsed, ou Longévite. Les Trélior trouvèrent ces hommes au nombre de quelques centaines, vivant par petits groupes disséminés dans la vaste étendue de l'île de Tasto. Les Nemsed avaient la taille d'un tiers plus élevée que celle des plus grands parmi les Trélior. Leurs cheveux étaient d'un bleu foncé et leurs yeux d'un vert tendre, leur démarche grave et leur physionomie bienveillante et douce. Ils étaient tous du même sexe, ou plutôt n'avaient pas de sexe. Ces hommes, qui se connaissaient tous pour avoir vécu longtemps ensemble, avaient fini par se diviser en petites troupes composées d'amis unis par la plus grande intimité. Ils étaient âgés, disaient-ils, de plus de 1000 ans. Aucun d'eux ne se connaissait ni père ni mère. Ils se rappelaient seulement être nés à peu près tous ensemble, dans le même temps, au sein de forêts plantées d'arbres dont les fruits, en tombant, laissaient écouler un lait qui fut leur première nourriture. Ils avaient encore remarqué que dans leur enfance, la nature avait une force d'expansion et de vie infiniment plus grande qu'aujourd'hui. Qu'alors les plus hauts arbres poussaient en une année de plus de 200 coudées. Il naissait du limon du sol, échauffé par un air électrique et un feu souterrain. Une multitude d'animaux qui n'avaient pas encore paru sur la terre et qui disparaissaient ensuite tout à coup parce qu'il manquait de quelques-unes des conditions d'organisation nécessaires à la vie ou à la reproduction. Des débris de ces animaux et du détritus des plantes, d'autres êtres sortaient, grouillaient, et la matière prenait des formes exubérantes. Des feux follets scintillaient par toutes les fissures de cet humus en fermentation. Enfin, peu à peu, ces créations incomplètes cessèrent et la terre prit l'aspect qu'elle présente aujourd'hui. Malgré leur âge, les Nemsed ne se sentaient avoir perdu ni de leur force, ni de leur jeunesse. Certains d'entre eux qui étaient morts avaient été tués par accident. Ces hommes qui, doués d'une raison supérieure, avaient tant vécu et tant réfléchi, furent considérés bientôt avec respect et admiration par tous les Stariens. On décida le plus grand nombre à quitter l'île de Tasto pour venir donner au peuple de Star les leçons de l'expérience et de la sagesse. Au milieu des autres hommes, les Longévites, incapables de passion physique, se passionnèrent presque tous pour un art ou pour une science. Chacun d'eux poursuivit sans désemparer sa science ou son art préféré à travers les siècles, et leur influence, qui fut grande sur les progrès du monde starien, l'eût été davantage encore sans les maux qui décimèrent plus tard les peuples de cette planète. Parmi les groupes ou familles que les Treliors découvrirent successivement dans les forêts ou sur les montagnes, ils remarquèrent surtout une réunion de trois de ces longévites perdus au centre de l'île, sur le bord d'un lac cerné de toutes parts par des montagnes et sans communication avec le reste de l'île. Ces trois amis, révérés même parmi leurs semblables, se nommaient Cosmael, Seelevelt et Mundaltor. On remarqua qu'en suivant les autres hommes sur les continents et en s'établissant dans les divers pays, les Nemcèdes de chaque groupe ne se quittèrent jamais. Peu de ces hommes étranges restèrent à Tasto. Une trentaine de familles, formant un total de 300 à 400 individus, se dispersèrent dans tous les coins du monde. Les trois amis, Cosmael, Seelevelt et Mundaltor parcoururent presque toute la terre, observant et s'instruisant de tout ce que les générations stariennes avaient amassé dans les sciences, dans les arts et dans les lettres. Cosmael choisit l'étude des sciences physiques et naturelles. Mundaltor cultiva les beaux-arts et Seelevelt s'adonna tout entier à la philosophie et aux lettres. Ces trois hommes, unis d'âme et de sentiments, et se communiquant à chaque instant leurs observations et leurs pensées, embrassaient ainsi l'ensemble des connaissances humaines. Ils vécurent donc pendant plusieurs siècles, s'occupant sans relâche de l'objet aimé de leur étude. Et, spectateurs attentifs de la marche de l'esprit et des mœurs dans les sociétés stariennes, ils recueillaient, après une génération disparue, le suc de l'expérience qu'elle laissait pour héritage. Nous pourrions donc, avec les trois principaux des longévites, vous faire assister aux débats internationaux des trois empires qui composèrent l'ancien monde starien. Mais nous passerons ici sur l'histoire politique de 8 siècles qui, malgré quelques turpitudes, raconte le plus souvent les douceurs d'une paix féconde en bien-être, en production de l'esprit, et en un grand nombre d'actions généreuses. La peste lente. Les trois peuples souverains de la terre marchaient à l'envi dans la voie des progrès de l'esprit et du bien-être intellectuel, lorsque, 1500 ans environ après la fondation des sociétés Savels, Trélior et Ponarbat, ce monde au riant climat, aux cieux splendides et à la riche et belle nature, commença à se troubler. La terre de Star, si commode et si bien disposée pour laisser vivre délicieusement et nourrir largement une forte race d'hommes, parut vomir toutes sortes de maux contre ceux qui l'habitaient alors et devenir malsaine et marâtre pour eux. Tout d'abord, ce furent des secousses souterraines qui couraient d'un pôle à l'autre en laissant sur leur passage de vastes déchirures du sol. Au fond de ces gouffres bouillonnait une lave qui répandait dans les airs un affreux méphitisme. Ce fut là le signal des temps néfastes que les Stariens ont appelé l'ère du mal. Les bouleversements de la croûte terrestre qui déplaçait les mers, et bientôt après le flux et le reflux de 20 déluges successifs, firent périr une innombrable quantité d'hommes et d'animaux. Quand les assises de la terre rentrèrent enfin dans le calme de leur apparente immobilité, le sol perdut avoir perdu de sa force végétative. La matière organisée, se comportant comme si elle eût été privée de ses ferments les plus vigoureux, de ceux qui, se mouvant avec intelligence, donnent la vie aux œuvres les plus élevées de l'échelle organique, cette matière, dis-je, laissait rabougrir les plus hauts arbres et semblait avoir concentré son action à souffler l'être aux plantes infimes et aux animaux inférieurs. en même temps que les grands animaux et les végétaux fortement organisés disparaissaient du sol, l'homme voyait naître sous ses pas les espèces animales fossiles et ses plantes rudimentaires enfouies dans les couches terrestres, tombeaux des créations primitives et antédiluviennes. La création épouvantée retournait sur ses pas. Une famine de plusieurs années fut le résultat de cet appauvrissement des puissances végétatives de la terre. L'homme, criant sous le fléau, succomba partiellement, de telle sorte qu'à la 25e année de l'ère du mal, l'humanité starienne était réduite d'un tiers. Les repleux, déjà inférieurs en nombre aux hommes, avaient été décimés dans une proportion analogue, et plusieurs familles de Nemsed avaient également péri, victimes des cataclysmes. Pendant quelque temps, la fureur des maux qui pesaient sur le monde parut se calmer. La terre se para comme autrefois de moissons et de fruits. L'homme chercha à se reconnaître et à réparer les plaies faites à la famille humaine. Mais celle-ci portait déjà en elle-même les germes d'un mal, mille fois plus atroce que tous ceux qui avaient naguère jeté au milieu d'elle la consternation et la mort. C'est de cette époque que date l'invasion de cette peste lente qui fit de la terre starienne un enfer de douleur. Les commencements en furent insidieux. Elle frappait çà et là quelques individus, révélant ainsi aux hommes une infirmité nouvelle, une maladie encore ignorée. Depuis l'invasion du mal, jusque peu de temps avant la mort qui arrivait inévitablement, elle était accompagnée d'une douleur d'entrailles excessive, brûlante, fixe, pulsative, continue, incessante. En moyenne, cependant, la mort n'arrivait qu'au bout de 10 ans. Les femmes, les enfants, les marins ou les habitants des rivages de la mer mouraient beaucoup plus vite. Et cette douleur, qui pendant plusieurs années faisait pousser des hurlements de tous les instants aux malheureux qu'elle torturait, cette douleur ne tuait pas. Seulement, chez tous les malades, ce dépérissement, qui allait détruisant tout l'organisme fibre à fibre et amincissant les os mêmes, forçaient enfin la mort à délivrer de leur mal ses victimes, qui absolument toujours lui étaient dévolues. Quelques mois avant de mourir, les pestiférés, en même temps qu'ils voyaient diminuer leur douleur d'entrailles, sentaient poindre à la partie supérieure du front un frémissement agréable, une impression véritable de plaisir. Bientôt, la douleur diminuant encore, et venant même à cesser chez ces individus passés à l'état de cadavres, la sensation du plaisir gagnait en force, en intensité, et devenait démesurément vive et permanente. Eh bien, là était pour le malade le moment le plus cruel. Cet excès de volupté, qui convulsait son corps moribond et qu'il ne pouvait maîtriser un instant, devenait par sa durée le supplice le plus épouvantable auquel la maladie l'eût encore assujetti. Et il mourait, haletant, au milieu des transports du plaisir qui dévoraient les restes hideux de son squelette. Oh, cela était horrible, et c'est à peine si l'on peut comprendre cet état en le comparant à celui d'un phtisique arrivé au marasme et jeté, pendant chaque minute d'une année éternelle, dans un spasme d'amour inextinguible qui le pénètre profondément des incessantes titillations de la plus âcre volupté. La maladie, qui ne sévissait dans les premiers mois que sur un petit nombre, s'étendit peu à peu et atteignit la très grande majorité de l'espèce humaine. Il n'y eut ni ville ni peuplade qui ne fût visitée par le fléau. Et on voyait par les routes des familles de tous les points du globe qui s'expatriaient, courant en sens inverse, et qui cherchaient de tous côtés un climat plus sain, ou demandaient partout un remède à leur mal. Quelques repleux succombèrent aux atteintes de la peste lente, mais le mal ne s'appesantit que fort peu sur cette espèce domestique. Les déplacements des nations qui, chacune de leur côté, quittaient leur pays et qui, se rencontrant dans leur pérégrination, se demandaient mutuellement secours contre un mal toujours plus fréquent et plus atroce, les entremêla de telle sorte que toute domination fut dissoute et toute société méconnaissable. Ce fut alors que, dans cet univers désolé, parut un de ces hommes qui dominent les foules de leur voix puissante. Il s'appelait Pharnosas. Il était éloquent et persuasif et avait déjà acquis quelques célébrités dans les sciences et dans la médecine, surtout au pays des Savels dont il était originaire. Le suicide. La peste durait déjà depuis 40 ans. Presque tous les marins, les femmes et les enfants en grand nombre, avaient été ou allaient devenir les victimes de l'épidémie. On ne trouvait plus dans chaque localité que quelques hommes valides au milieu de populations que l'angoisse du mal faisait se lamenter en vociférant des blasphèmes. Le désespoir des malades les poussait souvent à la fureur et au suicide. Pharnosas, pendant ce temps, courait le monde. Il haranguait avec une fougue irrésistible les multitudes qui se pressaient autour de lui. Il recommandait aux stariens, des habitués de la superstition depuis plusieurs siècles, l'essai de pratiques singulières de son invention. La douleur fit enfanter de tous côtés le fétichisme le plus misérable. Des idoles, des monstruosités étaient implorées et adorées avec emportement. Le fléau gagnait toujours en intensité. Pharnosas se mit de nouveau à parcourir le monde en prêchant, mais cette fois il jeta dans les masses un immense cri de désespoir. C'en était fait, selon lui. L'anéantissement de l'homme allait être consommé. Les deux tiers des mortels avaient péri depuis 60 ans. Le reste allait se traîner quelque temps encore pour finir sans secours dans une épouvantable et solitaire agonie. Alors il propose à ceux qui l'écoutent, et c'était le plus souvent des malades désolés, un moyen que lui suggère sa pitié, sa ferme et sincère miséricorde. Il faut ravir à la douleur son dernier aliment. Il faut anéantir de suite et d'un seul coup ce qui reste de l'homme. Par humanité, il faut vite tuer le genre humain. De longues clameurs d'assentiment lui répondirent de toutes parts. Il se trouva bientôt au milieu d'une armée de furieux qui prêchaient à tous le suicide et souvent en donnaient publiquement l'exemple. Toutes les idoles, naguère l'objet des honneurs les plus extravagants, furent rejetées au cloaque. Les sectaires de Pharnosas, voyant qu'un grand nombre d'individus repoussaient leur doctrine, se mirent partout à assassiner les réfractaires. Leur arme favorite, arme infiniment redoutable, était un petit arc d'acier fin dont la prodigieuse élasticité poussait rapidement, après un mince effort, une petite flèche très aiguë. Cet instrument est resté l'arme des meurtriers chez les stariens, parce qu'il tue sans bruit et plus sûrement peut-être qu'aucune autre. La plupart des longévites, prenant en pitié cette folie homicide, voulurent user de l'ascendant qu'ils avaient sur les peuples, à cause de leur âge et de leur bienfaisance, pour s'opposer au dessein de Pharnosas. Mais la foule, jalouse de voir cette race échapper par sa nature aux atteintes du fléau, méprisa leurs discours et les enveloppa même dans son projet de destruction. Quelques-uns des plus célèbres furent assassinés au milieu de leurs prédications. Argantur, Péranor, Narafoul et d'autres moins connus périrent de cette sorte. Les trois intimes, Cosmael, Seelevelt et Mundaltor, se dérobèrent d'abord aux poursuites des Pharnosiens et résolurent de chercher par tous les moyens d'échapper à la mort et de conserver, s'ils le pouvaient, quelques individus ou types reproducteurs de la race humaine. Une quantité innombrable et furieuse de disciples éprouvés de Pharnosas allait et venait en tous sens, forçant au suicide ou livrant à la mort tous ceux qui fuyaient leur poursuite. Beaucoup de gens pusillanimes aimaient mieux se donner la mort que la recevoir. D'autres jouaient l'enthousiasme et se faisaient admettre parmi les tireurs d'arc, espérant ainsi gagner du temps et pouvoir plus tard se soustraire à leurs coups. La pièce suivante, que nous traduisons en lui conservant autant que possible sa facture originale, donnera mieux que toute description la mesure des cruautés de cette époque douloureuse de l'histoire starienne. C'est une poésie écrite pendant les dernières et les plus furieuses prédications de Pharnosas. Le massacre pendant la peste lente. Poésie Savels. 1. La mère malade. La douleur répond seule à la prière humaine. J'ai successivement imploré tous les dieux, depuis l'éternelle intelligence jusqu'au fétiche animal immonde, et mon mal est devenu plus dévorant. La douleur répond seule à la prière humaine. La douleur, plus que Dieu sur terre, est souveraine. Oh, certes, un Dieu sensible et puissant ne laisserait pas 10 ans chaque homme, chaque fibre, se tordre ainsi sous les atroces déchirements de la peste lente. La douleur, plus que Dieu, sur terre est souveraine. Et mes enfants, la peste a souillé leur haleine. Tous, hors l'aîné de mes fils, ont subi les atteintes du fléau. Ils se roulent à 7 heures en proie au cuisant paroxysme du mal. Pauvres enfants, la peste a souillé leur haleine. Mère, je brûle. Oh, viens, viens soulager ma peine. Votre père est mort le mois dernier, aussi desséché que ce barreau de fer, souffrant au front d'un plaisir térébrant et dans les angoisses de la plus douloureuse volupté. Mère, je brûle. Oh, viens, viens soulager ma peine. S'il me restait un cœur, ma pitié serait vaine. Voici 7 révolutions de Ruliel que les entrailles de votre mère brûlent aussi du feu qui vous consume. Patience, enfant, vous êtes jeunes et sans force, et le mal sera moins long pour vous, créature débile. S'il me restait un cœur, ma pitié serait vaine. Écoutez donc ces chants qui montent de la plaine. Oh, si c'était la voix des sectaires de Pharnosas, enfant, nous serions sauvés et guéris tout à l'heure, car la mort serait proche. Entendez-vous ces chants qui montent de la plaine ? 2. Le chant des tireurs d'arc. Pharnosas, il t'arrive un terrible renfort. Nous sommes 200 000, et l'immense phalange à ton œuvre de mort se dévoue et se range. Pharnosas, il t'arrive un terrible renfort. Vois-tu, chacun de nous se déchire et se tord. C'est la peste, et nos rangs où la douleur s'engouffre n'ont que ce cri de guerre. Ah, je souffre, je souffre. Vois-tu, chacun de nous se déchire et se tord. Le sang peut seul clamer l'âcre feu qui nous mord, car pendant le carnage et sa fougueuse ivresse, notre sein ne sent plus l'étreinte qui l'oppresse. Le sang calme vraiment l'âcre feu qui nous mord. Déjà le genre humain râle sur notre effort. Guide-nous, Pharnosas, dont la pitié profonde a juré d'extirper ta race de ce monde. Hourra! Le genre humain râle sous notre effort, et nous sommes bénis, nous, suppôts de la mort. Les foules à l'envi nous apportent leurs têtes, et les jours de massacre ici sont jours de fête. L'homme bénit en nous l'assassin et la mort. 3. Les petits pestiférés. Vous avez donc perdu l'odorat des chairs fraîches? Est-ce que l'habitude des puanteurs du cadavre a émoussé votre sens, mes fins limiers? Hélas, depuis longtemps la terre n'a plus d'autre parfum. Entrez, Il y a encore dans cette cabane des tronçons de viande humaine qui palpitent et se débattent. Venez souffler sur ce reste de vie. Par ici, par ici. Vous avez donc perdu l'odorat des chairs fraîches? Tuez ces 11 enfants qui sèchent sur leur crèche. Ces enfants sont les miens. Et quoi? Vous pleurez, pauvres petits êtres? Ah, pardonnez-moi de vous avoir conçus et portés dans mon sein. Mais remerciez-moi de finir vos douleurs. Car, dans l'angoisse de vos tortures, il ne peut y avoir de repos que dans la mort et d'espoir que dans le néant. Tuez ces 11 enfants qui sèchent sur leur crèche. Promptez leur mort, soldats, comme tu les dépêches. Ton couteau s'est déjà promené dans la gorge des 8 premiers. Arrête un peu, que j'embrasse les 3 qui restent avant qu'ils n'aillent rejoindre leurs frères. Mais surtout, ne touchez pas à mon 12e enfant, à l'aîné de mes fils. Il faut respecter au moins celui que la peste a respecté. Arrête, soldat, mon tour va venir, et je tremble aussi, moi. Arrête encore, soldat, comme tu te dépêches. 4. La charge des archers. La mère. Trahison, trahison, ils emmènent mon enfant resté sain. Ils entraînent mon fils aîné pour le massacrer aussi. Laissez-le, barbare, arrêtez donc, infâme. Un décurion des archers. En cercle, alignez-vous. Soldats, sortez vos flèches. La mère. Mais il est saint, vous dis-je. Vous ne voudrez pas vous montrer plus cruel que le fléau? Les lâches, mais entendez-moi. Le décurion. Soldats, bandez vos arcs. Front, ajustez vos flèches. La mère. Par le ciel grâce, n'oubliez pas que c'est moi qui viens de vous livrer 11 de mes enfants, que je me livre moi-même à vos coups. Ah, par pitié, montrez-vous au moins satisfait de mon sacrifice. Le décurion. En haut les arcs, en joue. Archers, lancez vos flèches. La mère. Horreur, les Didards sont venus converger en faisceau vers son cœur. Pas un seul d'entre vous n'est innocent de sa mort. Ah, vous êtes bien vraiment des soldats, c'est-à-dire des sicaires enrégimentés, inconnus au monde avant Pharnosas. Arrière, assassin brut, et béni soit la peste qui me vengera de vous. Le décurion. À mon tour, laissez-moi la frapper de mes flèches. La mère. Je meurs, mais je ne souffre plus. Oh, que la mort est douce, soldat. Merci. Pardon. Le décurion. Tout est cadavre ici. Soldats, serrez vos flèches. Fin de la poésie Savels. Le suicide, suite. Les mers, les îles, les forêts, les retraites inaccessibles étaient visitées avec soin par des gens acharnés à la destruction de l'espèce humaine. Quelques fugitives avaient employé des moyens ingénieux pour tenter de se soustraire à la mort. Mais nul n'y réussit, si ce n'est celui qui est vénéré aujourd'hui comme le sauveur et le père de la race starienne moderne. Ramzuel était son nom. Étranger à toutes les agitations du monde, il avait quitté depuis de longues années le pays des Trellior, sa patrie, et s'était retiré au centre de l'île d'Infrecia, pour y suivre dans le calme et la méditation des expériences physiques sur la pesanteur des corps, car il avait entrevu la possibilité de balancer son action sans détruire la force qui tient les molécules agrégées. Sa découverte, bien que complète, devait être cependant simplifiée pour les besoins de l'application quand arrivèrent près de lui Cosmael et ses 2 amis. Cosmael avait été le maître et l'inspirateur de Ramzuel. Lorsqu'il sut la découverte de son élève, il conçut le projet de la faire servir à son salut et à celui de l'humanité future, de sauver par elle le germe reproducteur de la race de l'homme. Ramzuel, aidé du vaste savoir du Nemsed, eut bientôt avisé au moyen de tromper la barbarie des égorgeurs. Après quelques recherches, ils arrêtèrent leurs efforts à la construction de deux machines auxquelles nous donnerons de suite le nom qu'elles auront plus tard. C'étaient des abars. Ces machines de vastes dimensions avaient une forme ovoïde et étaient doublées extérieurement d'une lame métallique percée seulement à certains endroits de petits vitrages recouverts d'une toile du même métal. C'était sur cette lame métallique qui enveloppait les abars de tous côtés que s'exerçait l'action physique formant la base de la découverte de Ramzuel, et qui suspendait pour les corps enveloppés par elle l'effet de la pesanteur, ou même imprimait aux abars une tendance plus ou moins forte à lutter en sens inverse de l'attraction terrestre. Ramzuel adapta au premier abar un réservoir rempli d'air oxygéné, l'approvisionna de toutes les choses nécessaires à la vie et y fit monter les trois Nemsed, Cosmael, Seelevelt et Mundaltor, en même temps que sa famille, composée de ses quatre enfants, de sa femme Corillis et de la sœur de celle-ci appelée Essula. Note : un réservoir rempli d'air oxygéné. Dans la suite, au lieu de réservoir d'air, les navigateurs fournissaient leurs abars de substances chimiques solides dont la combinaison pouvait produire de l'air. Et, chaque jour, on préparait dans le vaisseau la provision d'air comme on préparait la provision d'aliments. Fin de la note. Le second abar, moins vaste, était tenu au premier par un lien métallique. Il avait été rempli de livres et d'instruments précieux par les soins des trois Nemsed. Il devait être sacrifié en cas de danger au salut du premier. Cosmael et Ramzuel eurent l'occasion de faire l'essai de leur machine au moment où Pharnosas, avec ses légions, aborda dans l'île d'Infressia. Ils planèrent dans l'espace à une hauteur qui les rendait invisibles à l'armée du suicide, et, trompant une première fois la fureur des Pharnosiens, ils allèrent s'abattre sur les glaces de la terre Bazoumré vers le pôle sud de Star. Cependant, Pharnosas avait résolu d'en finir, et, après s'être assuré qu'il ne restait plus au monde qu'un petit nombre d'hommes valides, il choisit et désigna pour tous l'heure et le lieu du grand suicide. Ce lieu était le cap du gouffre, immense promontoire vers l'océan nord du continent oriental, au pied duquel les eaux de la mer viennent se briser en tournoyant avec force, et emportent au loin et broyés les objets entraînés dans le gouffre par le courant des flots. Les disciples de Pharnosas chassèrent devant eux, de tous les points du globe, les vieillards, les femmes, les enfants et les malades, les dirigeant, comme dans une vaste battue, vers le fatal promontoire. La chasse dura encore 3 ans, et pendant ce temps, Pharnosas, incertain s'il ferait bien périr jusqu'au dernier homme, et vivant toujours dans la crainte qu'il n'en échappât quelqu'un, cherchait par tous les moyens à assurer le complet anéantissement de l'espèce. Les ravages de la peste lente s'étaient peu fait sentir sur les repleux. Cependant, ces individus de race poltronne demeuraient remplis d'épouvante des souffrances dont ils avaient vu le tableau chez leur maître. Pharnosas leur suggéra la pensée et tâcha de les persuader que jamais ce mal affreux ne cesserait tant qu'il y aurait un homme au monde pour entretenir l'épidémie. Ils savaient bien que la peur les rendrait cruels, et ils comptaient de plus que, se voyant devenus la race dominante de la terre, ils entreraient dans ses desseins en faisant périr tous ceux qui lui auraient échappé. Il ne se trompa pas, car pendant qu'il conduisait les hommes au lieu funèbre, les repleux assainissaient sur ses derrières les victimes qui parvenaient à rompre les lignes de l'armée des futurs suicidés. Quelques rares longévites qui erraient isolés n'échappèrent pas même à leur poignard homicide. Enfin, les masses humaines se trouvèrent réunies au cap du gouffre. Ramzuel, réglant la force centrifuge de ses machines, les avait suivies, et, du haut des airs, assistait aux préparatifs de l'immense holocauste. Au jour fixé, les sectaires de Pharnosas, une dernière fois harangués par leur chef, après avoir successivement vociféré de formidables imprécations contre la terre, la mer et les cieux, poussent dans le gouffre avec fureur les vieillards, les femmes et les enfants, et se précipitent à leur tour jusqu'au dernier du haut des falaises du promontoire. Et Ramzuel, abîmé de douleur, s'élance au plus haut des cieux, cherchant un autre monde pour l'homme dépossédé de la terre. Fin du livre 2.